Pas besoin de vous dans ma chambre. Je me ferai sauce bitchy, ça me suffit. Pas besoin de vous dans ma if. Pas besoin de vous dans mes armes. Pas besoin de toi dans ma chambre. Je me ferai sauce nero, ça me suffit. J'aime la monnaie de tout le monde, ton pied tout. J'suis marié à la money, ouais, avant tout. Sur mon chemin, wesh, négro, j'ravage tout. J'm'en bats les couilles, j'ai pas le temps, j'suis partout. Bienvenue sur le ring, combien de couilles veulent me taise. J'pas le temps, j'suis bien leur king. Pas d'enfant, t'es juste ma pute. Cesse-moi bien droit mon oseille. Mon statut, te faire tourner la tête. Où c'ma bite qui te fait ses faits. Oh my god, j'suis trop mauvais, hey. On vit dans un monde d'injustice. Je donne mon amour à rien, oh que c'est triste. J'suis pas le seul à le faire, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Dans la vie, chaque serait peur, si tu veux, écoute mes conseils. Si tu veux, écoute mes conseils. Pas besoin de vous dans ma vie. Pas besoin de toi dans ma chambre. Je me ferai sauce bitch, ça me suffit. Pas besoin de vous dans ma vie. Pas besoin de vous dans mes affaires. Pas besoin de toi dans ma chambre. Je me ferai sauce nigro, ça me suffit. Un appel, je vole avec mes poumzelles. X-Men de mes côtés, mes neurones sont pas faibles. On a la tête parfaite. Le passé nous rappelle de la vie imparfaite. Désormais tu trouves un nigro dans tes cassettes. Avant on menait l'œuvre de Charclos. Tu te suis obligé de passer ma vie en chèque. Ablo passe mal à vodka. Il faut que je baisse tous ces négros sur ce rythme là. Et ma route de monnaie. Dino 13 dans le game, wesh tu connais. Ma route de musique. BBWM, DMG, négro ça le fait. Ouais ça le fait. R1, Gabriel, ouais ça le fait. Ouais ça le fait. Les steps, tu les vamos, ouais ça le fait. Pas besoin de vous dans ma vie, pas besoin de toi dans ma chambre. Je me ferai sauce bitchy, ça me suffit. Pas besoin de vous dans ma vie, pas besoin de toi dans ma chambre. Je me ferai sauce négro, ça me suffit. Pas besoin de vous dans ma chambre. Je me ferai sauce bitch, ça me suffit. Pas besoin de vous dans ma chambre. Je me ferai sauce nitro, ça me suffit. Make your purchase now.